Pensez-vous que les routiers sont des vieux cochons? Oui, oui. Alors qui, oui? Banane. Attends, banane, elle sort d'où? Je sais pas d'où elle sort. Putain, mais merde! Tu me fais quoi, là? Arrête, putain, c'est pas vrai, hein. C'est la dernière fois que je te demande de faire ton boulot. Ok, ok. Sinon, tu sais ce que tu fais? Tu prends tes clics et tes claques, et tu vas voir ton bébé rose. D'accord. Ranger. Ok. Et on va mettre son lit à ta place au standard. Ok, ouais, je commence à ranger, alors. Ouais. Bah, tu peux. Hé, les merdes! Mais ils sont là, Gérard. Mais attends, il est pas là, j'en pull. Quand je lui demande. Bah, tu m'as pas appelé, j'ai dit. Non, à peine. Tu me prends pour un con, là. Bah, non. Ah d'accord, t'as vu ça dans Spirou Magazine ou dans Tintin Milou? Ah, dans Mickey. Moi je crois que j'ai vu ça dans Lilo des enfants avec Casimir. Non mais attends. Hé, hey, Cazette. Oui. Je te parle du métier gros routier. Oui. Nuance, ta gueule. D'accord, maintenant tu m'emmerdes, toi. Manu. Oui. Tu fais ton boulot correctement ou pas du tout? Ah, correctement. Hein? Ou tu retournes voir ton bébé rose. Déjà ça là. C'est quoi là? Quoi là? Et c'est un remix. Ouais, mais alors. Non. Mais alors, c'est quoi? Tu t'amuses? Mais non, c'est un remix. Non, allez. Oh, ta gueule à toi. Manu. Ouais. Un conseil que je te donne. Ouais. Tu vois, tu fais une chose. Mm-hmm. Tu me prends sur les 12 lignes qui sonnent. J'ai fait ça à nouveau. Non. Ah, si, je suis désolé. Oh.